France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 129. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 21 septembre 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami! Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Lehman Brothers ou On est mal mes frères, tu es le frigo de Ségolène ou le Fargo des frères Cohen, tu es Taxe Pique-Nique de Borloo ou La Belle Équipe au bord de l'eau, tu es Steward sur Alitalia ou Y a-t-il un pilote dans l'avion, et tu es aussi un joyeux trader de Wall Street ou... Et votre ulcère? Oh, il se porte bien. Et votre hypertension? C'est le calme plat depuis des mois. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres les aberrations du monde qui t'entoure. Alors, selon les inflexibles principes de notre Sainte Trinité, à savoir l'allégresse, l'extase potache et le joda Saint-Esprit, le Mangin Palace te propose dorénavant, durant 53 minutes, d'organiser ici tous les dimanches matins un beau barnum burlesque autour des actualités du monde extérieur. Notre sacerdoce consiste toujours à travestir la réalité afin de t'offrir autant que possible un diaporama sonore modeste et déjanté contre le triomphe de la morosité. Ainsi, laisse-nous te présenter la liturgie de notre joyeuse cérémonie. Pour commencer, du nonce apostolique élyséen aux médailles des bacheliers lycéens, nous t'offrirons une petite relecture frappadingue des actualités politiques de la semaine. Ensuite, durant quelques minutes, nous découvrirons comment les spectres de l'INA ont essayé cette semaine de désigner parmi les chanteuses françaises un clone de Madonna. Et puis, nous te dévoilerons comment lundi dernier, la crise financière mondiale est venue frapper de plein fouet Gros Boule les Bains, où Monique et Jean-Claude se sont fait vampiriser un sacré paquet de blé. Et juste après, nous retrouverons notre petit reportage fric et frime, où se mêlent cette semaine oseille golden et caviar d'aubergine. Et enfin, peu avant midi, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et revisite le patrimoine de la Madone. Yeah. Ray of Light, c'était Madonna. Une crise financière à elle toute seule, puisque les tarifs pour assister au concert parisien du week-end étaient indécents. Résultat, si tu voulais voir la star, fallait réellement craquer ta bourse. Alors ce matin, la journée porte ouverte du Mangin Palace débute par notre petit clip sonore déjanté, réalisé en collaboration avec M. Yvan Beaugelet, fieffé et sacripant de nos coursives. Désormais, tu as compris qu'il s'agit ici de tendre l'oreille pour découvrir l'inconscient des petites phrases de la semaine. Vois-tu, il y a le dit et le non-dit. Ainsi, découvrons l'avènement du nonce apostolique élyséen et les coulisses des préparatifs du sacre de Reims. Allez, en route maestro, voici pour toi le message subliminal des discours de ces derniers jours. Voisin ! Première visite du pape Benoît XVI en France. Le président Sarkozy... Encore ? Mais il vient deux fois par semaine maintenant celui-là. ...est allé l'accueillir sur place. Je vous propose d'écouter ben justement la déclaration de Nicolas Sarkozy. Les religions, et notamment la religion chrétienne, ce serait une folie de nous en priver. Tout simplement une faute contre la culture et contre la pensée. C'est pourquoi j'en appelle une nouvelle fois à une laïcité positive. Je vais réfléchir un peu encore. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais pourquoi pas. C'est ça, c'est intéressant, mais il faut faire attention simplement que ce soit pas trop moderne. Voilà. Benoît XVI quittera Lourdes tout à l'heure après une visite marathon en France. Visite marquée par deux immenses messes en plein air. La visite de la grotte des apparitions à Bernadette Soubirous hier. Pardonne-nous, ô Seigneur, notre misérable flagornerie et... Et notre impudente adulation. Et un discours aux évêques de France. Le divorce, une fin en soi, pas de seconde chance. L'Église ne peut donc admettre les initiatives qui visent à bénir des unions illégitimes. Oh mon Dieu ! Et au nom de l'unité catholique, tendre la main aux traditionalistes. Nul n'est de trop dans l'Église. Changement de stratégie. Pour Ségolène Royal, on parle politique. Faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas voir la colère qui monte, l'exaspération. Le respect, ça vient pas comme un coup de pied au cul. Hein. De ceux qui nous disent ça va mal dans le pays. Où êtes-vous, les socialistes? Moi, je suis pas fakir, mais je vais vous dire un truc. Hein. On n'est pas arrivé hein, avec les cocos qui se pointent. La crise financière actuelle est la plus grave depuis 50 ans et probablement depuis un siècle. Non, restez calme, vous n'avez aucun risque. Laissez votre argent là où il est, soyez tranquille, ne bougez pas et attendez que la tempête soit passée. Et sur la crise financière, il est étonnamment silencieux, mais plus pour longtemps. Nicolas Sarkozy sera jeudi prochain à Toulon, grand meeting, discrètement préparé par l'Élysée. Pour répondre à ta question, oui, je crois tout à fait en Jésus-Christ. Je crois en la toute-puissance de Dieu. Beaucoup de commentaires ce matin dans les écoles et les lycées après l'annonce d'un retour aux cérémonies de remise des prix par Xavier Darcos. Le ministre de l'Éducation souhaite remettre au goût du jour les récompenses pour les diplômes, notamment avec des remises de médailles comme cela se fait déjà dans certains établissements pour le bac. Moi je ne suis pas à la recherche d'une distribution de médailles en tant que telle, je suis à la recherche de la reconnaissance du mérite. Vous devriez venir, il y a un de mes collègues d'études qui est en train de détériorer la propriété de l'État. Du mérite, notamment des élèves qui viennent des milieux les plus modestes et qui ont réussi. En général, un tel niveau d'intelligence résulte à la fois de l'hérédité et de l'environnement. Bien que dans certains cas, ce soit un mystère total. Un mystère total. C'est effectivement ce qu'ont ressenti ceux qui ont vu débouler Xavier Darcos avant-hier à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise. En effet, le ministre de l'Éducation s'est rendu à la maternelle Louis Jouvet dans le cadre de la journée L'Europe à l'école. Et ce fut l'occasion de faire le point sur certaines déclarations du ministre. Est-ce qu'il est vraiment logique que nous fassions passer des concours Bac plus 5 à des personnes dont la fonction va être essentiellement de faire des siestes à des enfants ou de leur changer des couches? Je me pose la question, ces personnes ayant la même compétence que si elles étaient par exemple institutrices en CM2. Ça colle cette crotte, ça colle. Il faudrait une crème ou quelque chose pour l'enlever. De l'aftershave. Ça va pas, non? Bon, ben on lui met la couche comme ça, tant pis. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce bazar là? Regarde-moi ce travail là, c'est de la merde le matériel. Ce col, ça pendouille, je décolle, scratch, la couche est foutue. Allez, on recommence. Oh non, merde, non, elle pisse. Oh non, le canapé, quel chameau cette môme. Elle a attendu qu'on enlève la couche pour pisser. Ah ben ouais, hein. Monsieur Darcos a surtout appris, lors de sa visite dans cette école maternelle de Villiers-le-Bel, que l'une des conditions indispensables pour qu'un enfant soit accueilli à l'école, c'est qu'il soit propre, c'est-à-dire qu'il ne mette plus de couches. Xavier Darcos est un peu énervé que l'on ne parle que de ses couches, mais il se console très vite en pensant que pendant ce temps-là, on ne commente pas la suppression des 11 200 postes de cette rentrée. D'ailleurs, Xavier Darcos quitte l'école maternelle et fonce fissa dans un collège afin d'expliquer leur métier aux enseignants. Xavier Darcos, il a développé une vision magnifique de l'école de la République. Pour aller à l'école, pas besoin d'être grand, juste 4 ou 5 ans. Il suffit tout simplement de se conduire gentiment. Quand on va à l'école, on s'assied sur un banc. Et tout ce qu'on apprend est tellement intéressant que tout le monde est content. Tout le monde est donc content. Mais non ! S'exclament en chœur les enseignants qui voient pêle-mêle les places au concours diminuées, les postes supprimés et qui subissent la réforme compliquée des heures supplémentaires imposées. Alors, Xavier Darcos, pour qui la concertation, c'est du latin, c'est-à-dire un de ses enseignements pas très fondamentaux, change aussitôt de ton devant les profs. Si vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme, vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Mais en attendant ce moment-là, vous êtes du vomi, vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Vous n'êtes que du branlement végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse. Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez. Je suis vache, mais je suis réglo. Aucun sectarisme racial ici. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de loup qui n'ont pas la pointure pour servir ma chère unité. Ah, bah là c'est clair, se dit l'auditoire. Abasourdi par les propos de Xavier Darcos. Mais, sentant la colère poindre, le ministre préfère quitter les profs et se tourne vers les élèves du collège à qui il demande comment se passe cette rentrée pleine de nouveautés. Eh ouais, on a des nouveaux collèges, collège de l'impunité, on va faire des bons élèves. Les enseignants seront armés, les classes en béton armées. Quant à la cour de récré conçue en fil barbelé. Eh ouais, enfin une nouvelle éducation, travail, famille, patrie. Et du con la nation, vos gosses sont des junkies. Qu'on les jette en prison, ce sont de malpolis. Qu'ont des parents indécis. Eh ouais, on prend des décisions. Les gens d'en bas sont mauvais en termes d'éducation. Puisqu'ils gèrent mal leur mouflet, puisqu'ils tiennent mal leur maison. On va leur sucrer les allocations. Xavier Darcos est sidéré. Mais c'est quoi ces enseignants qui éveillent l'esprit critique de leurs élèves? C'est pas possible ça. Xavier Darcos décide donc de quitter ce collège et fonce vers le lycée voisin afin de s'adonner à l'exercice favori de son ministère et du gouvernement, à savoir l'annonce tonitruante qui fait oublier le fond des choses. Ainsi, devant les lycéens, pour faire oublier les mesures qui risquent de détruire le baccalauréat comme examen national et anonyme, Xavier Darcos propose des médailles, comme si le diplôme ou la mention ne valait pas grand-chose. Il n'y a aucune raison que nous privions les jeunes aujourd'hui de voir reconnaître le mérite de ceux qui ont travaillé. Ça sera vrai lorsqu'ils seront dans la vie. Et bien pourquoi on ne leur montrerait pas dès l'école que s'ils travaillent, les adultes s'aperçoivent de ce travail? Vos médailles ne sont que fientes de pigeons, de la merde. Non, pas du tout. Ça fait partie de nos traditions. Et je suis sûr que ces enfants conserveront un très grand souvenir, beaucoup plus que si ça avait été quelque chose de très banal, une remise de récompense à la sauvette quelque part. Merci pour les médailles, vos médailles en chocolat, ont fondu depuis longtemps sur nos habits d'apparat. Tout à fait, très heureux. Xavier Darcos, face à ces critiques systématiques, se dit que décidément, les enseignants sont des gens entêtés. Donner des médailles, c'est une tradition française, merde. Ce à quoi un des lycéens rappelle au ministre que dans la tradition des médailles, y a des précédents pas très affriolants. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Quand il entend ce lycéen impertinent casser ses arguments, Xavier Darcos a du mal à retenir ses nerfs. Ah, quelle année, quelle classe! Ah, j'en ai connu des crétins! Mais au moins, ils étaient discrets! se cachaient. Ils restaient dans leur coin. Et vous, vous pensez avoir effacé? Non, vous avez sali, mon ami. Allez à votre place copier la récitation. Tant pis pour vous, vos parents paieront. Ah, elle va être un peu belle, la France, dans 10 ans. Oui, effectivement, comment sera la France dans 10 ans avec ce nouveau système scolaire? Xavier Darcos, pour éviter de répondre, sort de sa musette sa dernière parade. À la fin de ses études, il faut que tout le monde soit bilingue en anglais. Et d'ailleurs, Xavier Darcos lance immédiatement sa réforme. Interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille suffira. Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais. What's a day today? What's a day today? Je ne veux rien savoir. What's a day today? What's a day today? Un point de plus pour les LSQ. Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais comme vous l'indiquez vos petits camarades. Et les questions d'aujourd'hui, it may, it may not, offer your hand, je vais avoir 5 minutes. Are you ready? Begin! Il vous reste 5 secondes. 5, 4, 3. Il y a des redoublants, quoi. 2, 1, 0. Don, don, don. Je ramasse les copies. Eh oui, c'est comme ça, je ramasse les copies. Oh là là là là, les copies, allez. Rendez-moi les copies. Hélas, hélas, personne ne rend les copies à ce pauvre Xavier Darcos, lui qui pensait avoir si bien réussi sa rentrée pleine de jolies réformes. Les gens sont trop ingrats. Parce que, à propos de l'anglais, Xavier Darcos se dit que tout va bien, puisque I'm looping on the mirror, aye, and I'm looping on the mirror. I'm looking in a mirror, yeah. I'm looking in a mirror, yeah. Quand elle marche dans la rue, peu d'hommes détournent le regard. Et en soirée, c'est la fille d'à côté qu'ils viennent d'abord voir. Les mots qui font mal, elle connaît, les compliments, c'est plus rare. Pourtant, ses formes, pas aux normes, sont le fruit du hasard. Elle sait que peu de mal parle à celle qu'il trouve banale. Et que certaines filles l'apprécient parce qu'elle n'est pas une rivale. Elle aurait été fragile, ça aurait agi sur son moral. Mais elle, elle s'en fout, ça lui est bien égal. Parce qu'elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. On lui montre une seule norme pour les formes et les visages, suggérant que seule l'apparence compte. Et on voudrait qu'elle ait honte et peur de ne jamais plaire parce qu'elle est loin des critères. Pourtant, dans d'autres pays, c'est les filles bien en chair qu'on vénère. Quoi qu'il en soit, pour rien au monde, elle n'aimerait ressembler aux poupées tombées du ciel qu'on donne aux femmes pour modèles. Des perfections artificielles fabriquées au scalpel et des images de mode dans lesquelles rien n'est réel. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. When the world say yes, then I say no. I love myself. And I wanna look like this, 'cause my mirror says what I. Se soucier des regards de ceux et celles qui ne prennent jamais la peine de voir qu'elle est une belle personne, infiniment femme, parce que le corps n'est qu'une enveloppe, un jour ou l'autre il se fane. Elle, au final, ses rondeurs, elle en rigole même, et elle ose être heureuse comme elle est, elle s'assume et elle s'aime, sans jalouser des gens séduisants ou soi-disant. Elle sent que quand on l'admire, c'est pour ce qu'elle est intimement, c'est vrai. Elle se moque éperdument, elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle se moque éperdument. Elle se moque éperdument du jugement des gens. Elle, E, 2LE, chanson interprétée par un duo composé du jeune Qual et de la sublime Asha. Chanson où nous constatons qu'en effet le pouvoir d'achat est très lié à ce crack de Quality Street. Alors, après les aberrantes actualités politiques, découvrons dès à présent à 11h26 le sujet du jour de notre nouvelle rubrique intitulée Le Bernard l'Ermite, étrange chronique orchestrée par Flora Bernard. Planqué dans une boîte d'archives en guise de coquille, un Bernard l'Ermite assiste au débat des voix du passé sur l'actualité lorsqu'il n'y a plus personne dans les sous-sols obscurs et silencieux de l'INA. Cette semaine, puisqu'elle est à Paris, les spectres de l'INA n'en avaient qu'après Madonna. Tend bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Tous les vendredis soirs, à l'heure de la fermeture, les voix de l'INA se retrouvent autour d'un verre pour discuter du week-end à venir. Avant-hier, Madonna, son concert à Paris et ses chansons était au centre de toutes les conversations. La queue Virgin, c'est pas l'histoire d'une nana BCBG qui rencontre un petit mec comme il faut. Non, ça c'est Troubleau. Là oui, d'accord, c'est à peu près ça, je suis d'accord. C'est laquelle déjà, Troubleau ? Quoi, tu connais pas Troubleau ? C'était le grand tube de Madonna. Il est resté au top du pop des semaines et tu connais pas Troubleau ? Arrêtez, vous me faites perdre le fil. J'étais en train de dire quelque chose et je sais même plus ce que c'était. Ennuyé par ces polémiques de spécialistes, Monsieur Rose a proposé d'organiser un concours pour désigner, parmi les chanteuses présentes à l'INA, celle qui ressemblait le plus à Madonna. Ils ont accroché une banderole. Recherche Madonna française, désespérément. Les candidates se sont rassemblées. Et le tournoi a pu commencer. Le maître de cérémonie, Jacques Chirac, a d'abord tenu à remercier la star internationale pour son parrainage. De tout cœur, je voudrais remercier Madonna. Parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil, c'est très symbolique. Puis Monsieur Bleu, fan de toujours, a présenté la première épreuve. C'est-à-dire qu'elle arrive en scène, bon, bien, elle est très très habillée, et puis au fur et à mesure de ses chansons, elle se déshabille petit à petit, et puis elle lance ses habits dans la foule, et puis elle finit par être presque dans un état érotique, et elle repart en bas jartel, en bas résille, là. Et, dans la catégorie lancée de culottes, c'est Miss Tinguette qui s'est lancée la première. Et qui a obtenu la palme. Eh bien, je dis, voilà, monsieur, je viens vous demander l'autorisation de mettre ma petite boutique à l'air. Oh, Miss. Naturellement, tout le monde se met à rigoler. Pourquoi rigolez-vous, vous ? Non, vous avez compris. Ça y est, vous avez compris comme le directeur. Oh, ben, ça va, ça ne change pas. Mais moi, tu ne comprenais pas. Et n'y voyez pas de malice. Je répète ma petite question. Monsieur Touzé m'accorda l'autorisation. Il m'a dit, oh, bien, ma petite, bien, bien. Eh bien, c'est entendu. Je te permets de mettre ta petite boutique à l'air. Les histoires de Miss Tinguette n'ont pas convaincu Jean-Jacques Benex. Alors, le cinéaste a exposé son propre point de vue sur Madonna. Une Marilyn Monroe revue par le féminisme, c'est-à-dire que c'est plus un simple objet sexuel ou une simple représentation. La femme, c'est plus que ça, c'est une forme de triomphe de la féminité. Dans ce portrait de forte femme, Suzy Delair s'est tout de suite reconnue. C'était terrible. Enfin, vous savez, je ne suis pas arrivée du jour au lendemain comme ça, faut pas croire. Ça a été très dur pour moi. J'avais M. Janvier des tournées barrées qui me disait « Delair, lève tes pieds, Delair, redresse-toi, Delair !» Tu sais pas fermer la porte. Et c'était, il m'a tout appris. Brusquement, Benex l'a interrompu pour expliquer qu'il y avait une autre qualité nécessaire pour devenir la Madonna française. Et puis alors, elle est d'une très très grande beauté. Je pense qu'elle ferait une forme de, vous voyez, de vierge dans un tableau italien de la Renaissance. À ce moment-là, tout le monde a compris quelle candidate il soutenait. D'ailleurs, Carla Bruni s'est avancée pour incarner une Madone tendance lourde. Je trouve ça miraculeux. Qu'on dise ça de mon disque, je trouve ça miraculeux. C'est plus qu'un compliment pour moi. Je suis déjà, c'est déjà ça. Je ne suis pas sûre tous les jours d'être, mais je suis à la radio, là, c'est un plaisir. Malheureusement pour Carla Bruni, le président du jury, Monsieur Camus, a tenu à rappeler aux candidates que refuser de faire des concerts était éliminatoire Selon lui, la Madonna française doit être avant tout une bête de scène. Madonna, elle danse merveilleusement bien. Elle chante merveilleusement bien. Elle occupe la scène. Et on retrouve quelque part, il y a une présence qui est très proche de celle de Sheila. Ça m'agace pas du tout. Au final, que dire ? Eh bien, que le premier drame de France, c'est que personne chez nous ne peut égaler Madonna. Merci Flora Bernard pour cette chronique dédiée à cette grosse icône internationale. Mais passons dès à présent aux actualités de nos stars très locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, à 11h31 en effet, il est temps de découvrir ensemble la folle semaine que viennent de vivre ce trader amateur de Jean-Claude et sa belle-âme sister de Monique. Vois-tu, depuis quelques mois, afin de renforcer son pouvoir d'achat sans cesse massicoté, Jean-Claude s'est mis à boursicoter par l'intermédiaire de l'Association des banquiers retraités de Grosboul-les-Bains. Et depuis quelques temps, l'entourage du Jean-Claude s'étonne de cette nouvelle lubie compliquée. Et le week-end dernier, justement, lors d'un dîner entre amis, Jean-Claude a tenté d'expliquer à sa manière comment fonctionne la bourse. Je crois qu'il est important d'expliquer aux Français comment fonctionne la bourse. Il faut le savoir, il n'y a pas une bourse, mais deux bourses. Il y a la bourse au comptant et la bourse à terme, que l'on connaît moins. Et au milieu de ces deux bourses, il y a un organe régulateur qui se dresse lorsque le marché est trop excité pour éviter le crash. Alors, cet organe régulateur, on l'appelle le CAC 40. C'est quoi le CAC 40 ? Le CAC 40, c'est une espèce de grosse carotte que l'on agite devant les petits porteurs pour éviter qu'ils s'emballent. Quel intérêt pour des petits porteurs comme vous et moi. Attention, ce n'est pas la taille du portefeuille qui compte, c'est la valeur du CAC 40. Car si le CAC 40 est mou, les raideurs quittent les bourses, les petits porteurs s'affolent, ils vendent tout, le dollar grimpe et les culs baissent. Évidemment, Jean-Claude est un spécialiste de l'allégorie potache. Et du coup, forcément, vu sous cet angle, la bourse, ça fait marrer tout le monde. Cela dit, Monique fait tout de même remarquer que depuis qu'il boursicote, Jean-Claude y engouffre tout son temps libre. C'est alors qu'un ami gauchiste de Monique interpelle Jean-Claude. Hey, réveillez-vous, monsieur le businessman, il est temps. Regardez-vous, monsieur le businessman, vos cheveux sont blancs. Est-ce ainsi que vous gâchez votre vie? Aurez-vous le temps d'aller voir vos enfants? Pourrez-vous perdre une heure dans la semaine pour voir comme ils ont grandi? Ouais. Bon, ben ça, Jean-Claude, pour l'instant, il s'en fout, puisqu'il s'en fout plein les fouilles. Et d'ailleurs, dès dimanche matin, Jean-Claude avait rendez-vous avec le conseil d'administration de l'Association des banquiers retraités de Grosboul afin qu'il présente lui-même le bilan trimestriel de leurs activités financières. Les nouvelles de la bourse ne sont pas bonnes, elles sont excellentes. Encore une fois, la loi budgétaire nous aura été extrêmement profitable. Et cette tendance est encore affirmée sur le marché des obligations, où nos actions se sont arrachées plus rapidement qu'aucune autre ces dernières années. Ce troisième trimestre, et à ce jour, nous avons d'ores et déjà battu tous les records de vente, tous les records de bénéfices bruts, et nous avons pulvérisé notre propre record des gains avant impôt et des gains après impôt. Et nos actions ont vu leur prix doubler en moins d'un an. Conclusion ? On est plein aux as. Bien entendu, hilarité générale face à toute cette thune engrangée sur le dos des travailleurs. Seulement voilà, au moment de repartir, impossible de faire démarrer la bagnole du Jean-Claude. Solidaire, par obligation boursière, l'un des vieux banquiers voulut aider Jean-Claude qui, de l'intérieur de sa voiture, lui répondit ceci. « T'inquiète pas, c'est mon Eman Brother. » L'antivol du Jean-Claude était donc bloqué. Mais effrayante confusion, car le vieux banquier, sourd comme un pot de vin, pensa que Jean-Claude venait de lui donner l'ordre de vendre toutes leurs actions de Lehman Brothers, la banque américaine. Ce qu'il fit aussitôt, déclenchant dans la foulée une panique financière mondiale. Oui, c'est ainsi. Mais c'est un quiproquo gros boulet qui est à l'origine du krach boursier mondial. Au passage, ce malentendu anecdotique nous prouve la fragilité de cette pieuvre financière qui peut mettre en péril l'économique des millions de gens qui n'ont aucun intérêt à toutes ces transactions. Et dès son arrivée au bureau lundi matin, Jean-Claude s'installa devant son ordinateur et là, ce fut en effet très compliqué. Le CAC 4 et le CAC 4 le CAC 4. Les places du vieux compte pas dopées pour source PA, pardon, rien d'aberrant et il n'est pas étonnant, pardon, qu'un fonds relâche. Sous ses yeux, Jean-Claude constatait l'ampleur du désastre. Les places boursières du monde entier partaient en sucette et les banques dévissaient sévères. Tout ça pour une foutue confusion entre un Eman de bagnole et la quatrième banque américaine, Lehman Brothers. Petit porteur, lundi soir, Jean-Claude était donc ruiné, gravement ruiné. Au dîner, ignorant l'ampleur des investissements du Jean-Claude, Monique s'inquiéta vaguement des répercussions de cette crise financière sur leur économie domestique. Ce à quoi Jean-Claude lui a répondu que... J'ai un peu joué avec le feu tous ces derniers temps. Je t'ai rien dit pour pas t'inquiéter. De quoi tu parles ? Non, t'en fais pas, c'est rien. Le marché évoluait comme je voulais, j'ai assaini ma position, grâce à ma stratégie, j'ai épongé les pertes. Qu'est-ce que t'as trafiqué ? Tu n'as aucune raison d'angoisser, l'équipe a commis des petites erreurs, on s'est retrouvé avec un déficit. J'ai dû prendre quelques risques pour retrouver une position saine. De combien il était le trou ? D'environ 1 million. 1 million ? Oh, mais enfin, c'est du délire ! Je te dis que c'est arrangé, j'ai pu couvrir le déficit, c'est fini, on oublie. La lâcheté de Jean-Claude est sans limite, puisqu'il préféra ne rien avouer à Monique. Et allant même jusqu'à lui faire plaisir, il avait décidé de poser sa journée du lendemain pour organiser un pique-nique avec Monique et profiter du soleil de cet été finissant. Monique, ravie, fut toute guirette mardi midi de cette excursion champêtre. Dans les collines, les champs et les vignes, mon Dieu qu'il fait bon. Là-bas, j'ai la fringale, sors la bière en boîte, le pain, le jambon. On est dans la paille, les autres travaillent. Dans la paille, peut-être. Sur la paille, sans aucun doute, pensa Jean-Claude, qui n'avait toujours rien avoué. Et la mouise, c'est la mouise, puisqu'à la radio dans la bagnole sur le chemin du retour, Jean-Claude et Monique venaient d'apprendre que désormais pique-niquer serait taxé par l'État. Encore une mesure contre les pauvres, s'insurgea Monique, qui, elle, sait très bien que les gens fortunés ne mangent jamais dans des assiettes en carton et encore moins avec des couverts en plastique. Malgré toute son angoisse, Jean-Claude tenta d'optimiser la situation. C'est dur aujourd'hui la crise. Demain, ça sera vachement mieux. Tu tournes en rond comme une bête. Tu tires la vache par la queue. Demain, ce sera vachement mieux. Eh oui, bon sang! Il n'y a de la chance que pour la canaille. Car en effet, 3 jours plus tard, après le plan de sauvetage américain, les places boursières ont explosé puisque Paris a clôturé vendredi à plus 10%, Londres plus 8% et Moscou plus 28%. En moins de 12 heures, ce boursicoteur de Jean-Claude avait comblé ses pertes pour le plus grand bonheur de ses vieux amis traders. La crise est finie, la crise. crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, en crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux, ils sont fêtés, chantés, joyeux, la la la la, et répétés en cœur. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. Ainsi, après une semaine noire de la planète de la finance, a tout simplement repris sa nage du bonheur et l'accumulation de ses bénéfices outranciers et indécents. Jean-Claude, sans scrupule, a d'ailleurs bon espoir d'en récupérer un bon paquet. C'est la récession, merde Monique. Et devant l'efficacité redoutable des pratiques économiques américaines, hier matin, Jean-Claude envisageait même d'aller gagner sa croûte chez l'oncle Sam. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la. Et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et broté d'argent, ou sans un sou mais plus riche qu'avant. De l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau ont chanté sans fond la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, c'était celle que voulait voir Joe Dassin en 1970, presque autant la même année que l'équipage de la mission lunaire Apollo 13. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h43, il est l'heure de découvrir notre petit reportage Made in Panic consacré au merveilleux univers du luxe, du calme et de la volupté. Fric et frime, mais pour seul objectif, de faire face au triomphe de cette morosité économique qui gangrène ton portefeuille. Et cette semaine, notre facétieux reporter, monsieur Julien Dugast, est à nouveau allé traîner ses guêtres dans un monde exclusivement fait d'oseille, de golden et de caviar d'aubergine. Juste après la virgule, découvrons cette salle de marché ultra sélecte où les cours ne connaissent point la chute. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Toi, Nourou, ici, toi, Nourou! Allez-y, toi, Nourou! Auditeur de panique, tu le sais, le luxe se cache parfois dans des endroits incongrus. Cette semaine, le luxueux se vend au marché. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Pernaud. On en recommande 5 par jour, vous le savez. C'est facile à dire, mais 5 fruits et légumes par jour, ça coûte cher. Et il a bien raison, Jean-Pierre. Est-ce que ça vous paraît cher? Oui, très cher. Bah, je viens d'acheter 2 pêches, 1,10€. Avant, on arrivait, on part avec un caddie plein. Maintenant, on arrive, juste, on voit les moulons. Hein. Et en plus, on achète juste pour consommer. On peut plus mettre de côté pour le lendemain. C'est sûr qu'avant, je faisais beaucoup moins attention. Maintenant, c'est vrai. Les légumes, les fruits ont augmenté, hein, ça c'est clair. Hein. Luxe au rayon primeur, d'autant que, scandale, on connaissait le fruit en campagne. Avec mon effet pommier que j'ai, dans 20 ans, je l'ai mon boulot de dans 2 ans qui tombe dans 2 mois. Là. Mangez des pommes. Mangez des pommes. Mangez des pommes. Aujourd'hui, on découvre la campagne pour les fruits et légumes. Pour rester en bonne santé, il est recommandé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Bon alors, l'état qui se prend pour notre médecin traitant, c'est pas nouveau. Déjà, Mendes France... À partir du 1er janvier prochain, entrera en application un plan de distribution de lait sucré dans les écoles publiques et privées de France. Ces distributions seront salutaires pour la santé de nos enfants. Mais là, on ne distribue pas, on t'invite à claquer ton oseille pour des pommes. Mais c'est pas gênant du fait que l'État nous demande de manger 5 fruits et légumes par jour et qu'en fait, il ne fasse pas d'efforts financiers pour que ça soit accessible à tous. C'est sûr qu'il y a une contradiction. Pour les familles nombreuses, je ne sais pas comment ils peuvent faire. Et ça vous paraît pas bizarre que l'État fasse campagne pour qu'on mange 5 fruits et légumes par jour sans aider financièrement? C'est théoriquement aberrant, mais ils ne sont peut-être pas au courant du prix. Tous les légumes au clair de lune. Était en train de s'amuser, il s'amusait tant qu'il pouvait faire, et les passants les regardaient. Et où finissent tous ces chers fruits et légumes? Dans un mixeur, bien sûr. J'ai tous les fruits de la terre, les plus doux, les plus doux, les plus doux. L'État est donc en campagne pour le lobby des fabricants de luxueux mixeurs. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Campagne de pub de l'État, finalement 5 fruits et légumes par jour, ça profite surtout aux vendeurs de mixeurs. Ah oui, c'est sûr, il n'y a rien à dire là-dedans. C'est eux qui profitent, mais il faut qu'ils pensent un peu à nous, aux consommateurs, et un peu les petits revenus, là, les gens qui smicards, les gens qui ne dépassent pas un salaire de 1 800 euros par mois, qui est une famille. Quand on voit combien d'argent on dépense sur les marchés, pour vivre, c'est tout à fait normal, on n'arrive pas. Ouais, et puis tout le monde ne peut pas s'acheter des mixeurs à 400 euros, du coup. Bah, sûrement. Mais, oui, il y a des catégories, des personnes qui n'arrivent pas à attendre ces achats. Ah, si les légumes étaient des super-héros, c'est sûr, ils se rebelleraient, eux. Le mixeur est enragé, les légumes sont en danger, il avale sans regarder, et tout ça, rien que pour cracher. Les carottes sont-elles cuites? Non! Légumane! Oui, il est urgent que Légumane se pointe puisque nous avons appris cette semaine que la banque alimentaire avait enregistré une hausse de fréquentation de 8%. Traduction, de plus en plus de salariés n'ont plus assez de blé pour se payer à bouffer et encore moins de patates, puisque la récolte 2008 de pommes de terre devrait diminuer de 4% par rapport à l'an passé. Résultat, sans doute là encore une augmentation des prix qui devrait se produire. Votre Colin, avec ou sans patate? Sans patate? Non, sans rien du tout, pommes de terre. You said you'd be there for me. Heartbeat, c'est le battement de cœur de la germano-nigériane Neka, une cliente en or pour la nouvelle version du fichier Edwige, soi-disant revue et corrigée, hein, mais qui visiblement mentionnera tout de même, ouvrez les guillemets, les origines raciales. Merveilleux, n'est-ce pas ? Alors maintenant, à 11h51, afin de compléter au mieux notre tour d'horizon de l'actualité, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel ? Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel à l'actualité de la semaine, Monsieur Mauduit, ici présent, se charge pour nous de lire la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Très bien. Alors, est-ce que vous avez trouvé une thématique qui se dégage de vos lectures cette semaine, Xavier ? Eh ben, écoutez, Philippe, étonnamment, c'est la rondeur qui domine cette semaine, oui. Tout est en rondeur. Alors, tout d'abord, Philippe, il y a la rondeur conciliante de Paris Match, comme chaque semaine, cette Gazette élyséenne. Vous savez que j'ai poursuivi mes investigations et c'est incroyable, Philippe, mais je crois que j'ai découvert le protocole secret de Paris Match. Ça fout la trouille, protocole secret. Oui, ils sont obligés de publier un nombre imposé de photographies de chaque personnage selon son rang dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a un cérémonial extrêmement complexe. En fait, pas de hasard. Je vous explique vite fait. Cette semaine, c'est 4 photos pour le couple présidentiel, donc 4 pour Nicolas, 4 pour Carla. Pour les princes, donc juste en dessous, c'est 2. De chacun, 2 Pierre et 2 Jean Sarkozy. Puis après, un peu plus loin, c'est juste 1. Hein, les belles filles, là, c'est 1 pour Jessica, 1 pour Sandrine et pareil pour les mémés. Les mémés, c'est 1. 1 pour Marisa, 1 pour André. Vous voyez, par image, ils sont très forts pour instaurer de manière subliminale une économie de l'image, très stricte en fait, pour montrer leurs préférences. Une hiérarchie en fait. Ah, hein. C'est très net. Mais vous savez, parfois, par image, ils sont quand même pas très subtils. Je regarde un petit peu là, il y a 24 pages consacrées à la visite du pape et à la première page, on lit « Sous la lumière de l'automne, jamais regard n'a paru plus doux ». Donc vous voyez, tout en nuance, tout en sobriété et en rondeur. Magnifique. Non, moi ce qui m'a intéressé, Philippe, ce sont surtout les photos de la soirée sur l'esplanade des Invalides. Et Paris Match nous dit que cette esplanade a été transformée en immense terrain de camping pour Benoît XVI. Donc là, Invalide le pape, hein, c'est bien ça. Hein, exactement, c'est pour la messe du lendemain. Et ce qui m'a intrigué, c'est que quand on regarde le magazine Girls de septembre, que j'ai piqué sur votre bureau, au courrier des lecteurs à la page 110, on lit cette lettre de Benoît confronté au camping. Benoît nous parle du camping et que dit-il ? Ben, il nous dit que pour épater les filles, il a mis du papier toilette dans son slip. Ah bah la rondeur, je vous dis Philippe. Mais gros problème et malaise immense, un bout de papier dépassait, tout le monde s'est moqué de lui. Et la lettre se termine ainsi par un conseil, il faut mettre du coton. Et bien effectivement, c'est ce qu'on conseille à Benoît XVI dans la presse italienne, parce qu'une une association de défense des animaux demande au pape de renoncer à la fourrure. Ah bon ? Ah bah oui, privilégier le coton. Alors parce que Ben Sixtine, qui aime bien les vieux bidules, il a ressorti des vieux habits liturgiques, notamment une mosette, une petite pèlerine, ce qui est normal pour un pape. Une mosette. Oui, de velours rouge, très joli, et c'est brodé d'hermine blanche. Et il a également un bonnet de la même couleur, ça s'appelle le Camoro, et orné d'hermine ce Camoro. Donc bon, c'est un bonnet bénet, un Camoro con, mais je vous assure, ce problème de l'hermine, ça peut choquer des gens comme ça en Italie. Mais Paris Match, ça ne les choque pas du tout. Ça ne les choque pas, non. Paris Match, j'ai l'impression qu'il continue dans la dissidence et l'irrévérence cachée. Parce que quand on regarde en fait la construction du journal, on s'aperçoit qu'après les 24 pages consacrées au pape, on a directement un article sur Haïti et sur les drames qui frappent ce pays. Et on a un petit encart avec la liste des catastrophes naturelles qui affectent le pays depuis 1816. Donc, il remonte loin. Et dans ces catastrophes, il ne cite pas les positions du pape sur le préservatif, qui est une vraie catastrophe pour un pays sévèrement touché par la pandémie du sida. Moi, j'y vois une critique larvée, en fait, contre le pape. Ben, ça me fait un peu peur, hein, ce qu'ils font à Paris Match là-dessus. Je trouve qu'ils filent vraiment un mauvais coton. Le coton. Que Benoît pourra réutiliser d'ailleurs dans son slip papal, c'est merveilleux. Très bien. Alors, faut qu'il fasse attention parce que à Paris Match, si ça continue, ils vont être accusés d'outrage. Je ne sais pas si vous avez ça, Philippe, faut qu'on fasse gaffe d'ailleurs, parce que maintenant, l'outrage est sévèrement puni. C'est Libé qui nous apprend ça en 10 ans. Les plaintes pour outrage à agents dépositaires de l'autorité publique ont augmenté de 80%. C'est 80%. Oui, c'est beaucoup. Alors, dans ces 80%, notamment, il y en a un qui s'est fait toper, c'est Damien. Damien, 24 ans, informaticien, un peu nul. Hein. Parce qu'il a envoyé un mail d'insulte à Rachida Dati. Oh. Et il a oublié, oh. il a oublié de cacher son adresse IP. Alors, c'est vraiment condamnable parce que c'est une insulte, mais gratuite, minable, mauvaise. Faites gaffe. Ah, mais si on la sort, on va se faire épingler. Mais... Et c'est pour ça que je ne vais pas la dire. Mais le problème, voilà, c'est qu'il vient de perdre son emploi, Damien, pour faute lourde. Et puis, il risque 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. Donc, il faut faire attention. Donc, je dis attention à l'outrage. Je m'adresse surtout aux journalistes du Parisien parce que dans leur édition de mercredi, ils s'attaquent au physique de Rachida. Rondeur de plus en plus apparente, démarche lente. Non, il faut faire gaffe. Moi, je ne veux pas me risquer à la critique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai préféré me plonger dans une autre presse. C'est-à-dire que j'ai lu Santé Zen hors série Maman Bébé. Santé Zen hors série Maman Bébé. Oui. Parce que là, on a des conseils qui risquent pas de nous pousser à l'outrage. Bon. Petite parenthèse, vous savez que dans Paris Match, Rachida Dati a 4 photos. Oui. Ah, 4 photos, c'est beaucoup. C'est beaucoup selon le protocole. C'est beaucoup. Voilà. Non. Dans Santé Zen, on apprend des choses intéressantes, notamment qu'au 4e mois de grossesse, et je le conseille à Rachida, il ne faut pas qu'elle oublie d'envoyer au centre de sécurité sociale le 2e volet du carnet de maternité avec un duplicata à la caisse d'allocation familiale. Il y a surtout un conseil de Bérangère, à gynécologue, qui dit: massez-vous la plante des pieds avec des crèmes vénotoniques et anti-œdémateuses. Non, c'est hyper important parce que comme ça, Rachida, elle marchera mieux. Mais le conseil, il peut aussi s'appliquer à Enric Duran, un Catalan qui a dû quitter l'Espagne en courant très, très, très vite cette semaine. C'est El Mundo qui nous apprend ça. Je vous explique vite fait. Enric, il a pris 68 crédits à la consommation, oui, dans 39 banques différentes et il a réussi à leur soutirer 492 000 euros, il est très fort. Alors, pourquoi il a fait ça? Juste pour publier une revue gratuite, Chrissy, 200 000 exemplaires distribués partout, un geste altermondialiste. Et il dit, c'est pour voler les banques qui nous volent. Et vous voyez, Philippe, ben moi je dis que c'est ça le problème avec les altermondialistes. Dans notre monde capitaliste où il faut avoir des ronds, il faut faire des ronds de jambes, ces gens, ces empêcheurs de danser en rond, et eux, ils n'arrivent pas à faire le dos rond, et c'est tant mieux. Merci Baudouy pour cette revue de presse tout en rondeur. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 129e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique, nouvelle version, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Alors, pêle-mêle, je remercie évidemment le professeur Mauduy, Marco Mutel, assisté à la technique aujourd'hui de Michel Bézikian et d'Olivier Riotor. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et les clips sonores, je dis merci à Flora Bernard, Julien Dugast, Yvan Beaujolais. Pour les Scuds, on a ces trouvailles inépuisables, notre ami Thierry Dupin, qu'on remercie vivement. Merci aussi à Olivier Lefaillard pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. Pour le podcast, c'est franceinter.com, site Panique au Mangin Palace. La journée continue sur France Inter. Après le flash, c'est le joyeux retour de Chris sur l'antenne avec son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le ministère psychique et en direct dimanche pour le Mangin Palace, évidemment, sur Inter. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Il couine encore, ces salauds-là. C'est la fin.